Ah bah ouais, faire ça. Sont dans un délire, je sais qu'ils ont vu mon vécu de scar là. J'ai ramené des sommes à ma maman, j'ai ramené les schmitts à la casa. Je suis pas Asna pour, je fais du hardcore, me parle pas d'amour. Bizarrement la sonnerie du tel me rappelle la mort. Yemin te prend mais bon Yemin te donne. J'ai vu tes chiens, ils attendent que Yemin abandonne. Je me trompe jamais dans les comptes. Et je veux pas finir égorgé comme compte. Et je suis dans mes délires et maman se ronge les ongles. Daily sur daily, j'ai maudit les hommes. Mon papa ne parle pas la langue, il ne vient pas me chercher à l'école. C'est juste ma bible et j'ai connu la merde. Connu la merde, heureusement que j'ai connu la mer. Et chercher le sommeil dans la perte et combler le manque d'amour par la pierre. Qui parle de moi mon frère, il ne voit que la montée. Calcule pas, je viens d'en bas, je ne vais pas me lamenter. De ma fenêtre j'entends la rave, bientôt j'irai m'enfoncer. À la maison on parle l'arabe, mais j'ai 18 ans français. V'là l'artiste qui rentre en scène, une mère de famille entêtée. Et ma petite sœur rentre en CP, quand mon grand frère rentre en CD. On n'est pas chez nous, on le sait. Dans le sang j'suis mal à l'aise. Vas-y viens on rentre au chix. Mon sang j'me canalise. Je n'ai pas le temps pour elle. J'vais affronter l'univers seul. On m'a confié le navire pour mon 20e anniversaire. Que je marche seul à la Vegeta. Je m'entraîne plus comme Vegeta. D'honneur et demi sur le PGP. Je soigne mon cœur à la végétale. Bientôt je me mets au vert. J'encaisse avant qu'on mette mon corps en terre. Avant qu'on mette mon corps en terre. Yemin est grand, maman, Yemin est fort. Yemin reconnaît pas quand il a tort. Je reviens du futur, accompli le plus dur. J'ai vu leur sépulture comme Terminator. Je termine ma bouteille, un CD du Houtin. Vont croire à ses foutaises, on termine en tôle.